Vie de Saint François d'Assise. Par Arved Barine. Hachette 1901. Fondation de l'ordre des frères mineurs. Assise crut d'abord n'avoir qu'un vagabond de plus. Son enfant de prédilection lui était revenu bizarrement accoutré en ermite, après avoir été marmiton dans un monastère et infirmier chez des lépreux. Maintenant, il mendiait de porte en porte du pain et des restes, maudit par son père quand il le rencontrait, moqué de son frère et du peuple. Ou bien il se tenait debout sur les places de la ville et chantait. La foule faisait cercle avec curiosité. Il lui demandait des pierres pour réparer Saint-Damien ou une autre église, et les emportait sur son dos. Bientôt il se mit à prêcher et parut encore plus singulier. Il ne se souciait point d'une chaire ni d'un lieu clos, pas davantage d'ordonner son discours ou de mesurer ses gestes. Quant à parler latin, comme le faisaient encore à cette époque les prédicateurs officiels, le nouvel apôtre en eût été bien empêché. Il s'exprimait en langue vulgaire, et jamais il n'y eut sermon plus libre et plus impétueux. Pas de période savante ni de division, à peine de suite. Des phrases sans apprêt, mais si tendres que les yeux se mouillaient en les écoutant, si enflammées que les cœurs bondissaient dans les poitrines. Des idées au hasard, telles qu'elles jaillissaient d'une grande âme sincère. Plus de gestes que de mots, un homme qui prêchait de toute sa personne, qui était sans cesse en mouvement, coupant son discours de gestes de feu et de signes de tête, pleurant, riant, mimant sa pensée quand l'expression ne venait pas. Une physionomie mobile et expressive, qui se transfigurait sous le coup de l'émotion intérieure. Il paraissait tout autre, dit un témoin oculaire, c'est l'anneau. Ce spectacle extraordinaire était offert aux passants dans la rue, sur les grandes routes, en quelques lieux qu'il se trouva des gens de bonne volonté pour écouter le pâle ermite aux yeux brillants. On haussait les épaules et l'on plaignait sa famille, mais on venait l'écouter. Insensiblement, on eut conscience de quelque chose de changé dans la province. La guerre était toujours aux portes, l'ombrie toujours écrasée entre le pape et l'empereur, le vassalage toujours pesant et l'église toujours féodale. Pourtant les âmes étaient moins oppressées. Une impression de soulagement se répandait dans le pays, et l'on finit par comprendre d'où chacun la rapportait à son foyer. Aussitôt on accourut de tous les points de l'horizon vers celui qui savait les paroles qui relèvent. Les auditoires du déguenillé se firent multitude. Thomas Solanneau, qui avait assisté des centaines de fois aux improvisations de Saint François, a décrit dans son style imagé leurs prodigieux effets sur les foules. Les hommes accouraient, les femmes accouraient, les clercs se hâtaient, les religieux faisaient diligence, afin de voir et d'entendre le Saint de Dieu, qui leur paraissait, à tous un homme d'un autre siècle. Il semblait vraiment qu'en ce temps-là, dès qu'on se trouvait en présence de Saint François ou qu'on parlait de lui, le ciel versa sur la terre une lumière nouvelle. Il rayonnait comme l'étoile brille dans l'obscurité de la nuit, et comme le matin se déploie au-dessus des ténèbres. Il était, en effet, un homme d'un autre siècle. Nous ne possédons pas de sermon de Saint François, mais nous connaissons les idées qui faisaient le fond de sa prédication. Et il est certain que les chrétiens n'avaient rien entendu de pareil depuis l'âge apostolique. Traduit en langage moderne, son enseignement signifiait à peu près ceci. La tristesse qui pesait sur le monde chrétien provenait de deux graves malentendus, l'un avec la vie, l'autre avec le ciel. Le malentendu avec la vie consistait à s'être rendu esclave de ses faux biens, richesses, honneurs, vanités et superfluités de toutes sortes, au lieu de se jeter sur le trésor sans prix qu'elle offre à tout venant, la liberté. Il dépendait des auditeurs de Saint François de secouer à l'instant même, et à jamais, les soucis qui le rendaient l'existence semblable à une chaîne, et d'être aussi libre, aussi joyeux que l'oiseau sur la branche. Le remède était à leur portée. Ils n'avaient qu'à étendre la main, qu'à vouloir. Ils n'avaient qu'à épouser la pauvreté. Aussitôt, quel changement! Quelle guérison délicieuse des rongements d'esprit de ceux qui possèdent et qui craignent de perdre ou de ne pas acquérir davantage. L'homme qui ne possède rien et qui a la volonté de se passer de tout, jouit en paix de ce que personne ne peut ôter à personne. La sainte joie de vivre, la fraîcheur des champs et le parfum des fleurs, l'attente du royaume de Dieu. Loin d'avoir fait un sacrifice, son gain est inestimable. L'amour de la pauvreté est la grande leçon de l'Évangile, mais les hommes ont cru savoir mieux que Jésus ce qui leur convenait, et de là est né le second malentendu avec le ciel. C'est ici que saint François se séparait des patérins et autres hérétiques, qui rejetait toute la faute sur l'Église et lui reprochait d'avoir substitué un Dieu à son image, impérieux et menaçant, au Dieu d'amour et de miséricorde de l'Évangile. Il n'a jamais eu une parole de blâme pour l'Église ni pour ses représentants, quels qu'ils fussent. Il a toujours enseigné que le mal venait de ce que la foule des chrétiens avait brisé le pacte évangélique pour le remplacer par une religion plus respectueuse des règles de la prudence humaine, ce qui était une bien grande erreur. Toute la sagesse du monde n'est que folie, disait-il, et on l'avait bien vu. Tandis que le Dieu des pauvres, celui qui s'est ému d'une divine pitié pour les souffrances de l'humanité, tombait dans l'oubli et s'endormait d'un sommeil qui devait durer 11 siècles. La pitié et la tendresse remontaient au ciel avec lui et s'endormaient à ses pieds. C'est à les réveiller tous trois que s'attachait désespérément l'ardent prédicateur d'Assise. Il les appelait à grands cris et avec larmes, sachant bien que c'était ce qu'il fallait à ce pauvre monde aigri par la souffrance. Pourvu qu'ils comprissent tous que la folie de l'Évangile est la vraie sagesse. Les premiers qui le comprirent tout à fait furent deux citoyens d'Assise, Bernard de Quinterval, homme riche et considérable, et un chanoine nommé Pierre. Quand Bernard déclara son intention de distribuer ses biens aux pauvres et d'aller vivre avec saint François, celui-ci eut un scrupule. Il n'était pas grand clerc et ne savait pas exactement, après tout, ce que Jésus avait dit sur le renoncement aux richesses. Il donna rendez-vous à Bernard et à Pierre dans une église d'Assise, et tous trois se mirent en devoir de consulter l'Évangile. Ils lurent, « Si tu veux être parfait, vends ce que tu as et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens et suis-moi. » Rien de plus clair. Les deux disciples allèrent aussitôt vendre ce qu'ils avaient, et l'on put contempler sur la grande place d'Assise une scène apostolique. Le riche Bernard de Quinterval tenait sa fortune dans un pan de sa robe et la semait dans les mains tendues vers lui. Debout à ses côtés, le jeune Bernadone avait l'air de trouver cela très naturel. Un vieux prêtre ayant choisi ce moment pour réclamer de l'argent, qui lui était dû, disait-il, pour les réparations de Saint-Damien, François plongea sa main dans la robe de Bernard. Jeta une poignée d'écus au bonhomme et allait lui en envoyer une seconde, d'un geste empreint d'un magnifique mépris pour cette poussière, si le prêtre, un peu honteux, ne s'était retiré en murmurant qu'il était assez payé. 8 jours après, 3e recrue. Puis il en vint un 4e, un 5e, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils fussent 12. Ni le maître ni les disciples ne songeaient à fonder un ordre. Ce serait mal connaître Saint François que de lui attribuer des plans longuement préparés. En 1200, année des premières conversions, il n'avait pas d'autre projet que de vivre selon ce qu'il croyait. Ses compagnons l'entendaient de même. Aucun d'eux ne se doutait qu'il était en train d'inventer les franciscains. L'un des ordres religieux les plus puissants qui ait existé a été fondé, pour ainsi dire, sans y penser. La petite communauté s'était établie dans une cabane qu'elle s'était construite dans la vallée, au-dessous d'Assise, près d'une chapelle abandonnée qu'on nommait Sainte-Mario de la Portioncule. Elle avait revêtu la tunique grise et la ceinture de corde adoptée par le maître, qui avait abandonné le costume d'ermite à cause des chaussures et de la ceinture de cuir, qu'il trouvait un luxe superflu. Elle priait beaucoup, travaillait de ses mains et allait mendier aux portes, Saint François en tête pour donner l'exemple, car c'est ici qu'il rencontrait des résistances, au dehors et au dedans. L'idée que l'honneur et la dignité d'un honnête homme sont au-dessus des circonstances et des événements a toujours été difficile à faire accepter. Elle était le bienfait suprême dans un âge de violence où le faible était sans cesse outragé par le fort. Aussi Saint François y tenait-il infiniment. Le Fils de Dieu, disait-il à ses compagnons, était bien plus noble que nous, lui qui pour nous s'est fait pauvre dans ce monde. Nous avons choisi la pauvreté pour l'amour de lui. Nous ne devons pas rougir d'aller demander l'aumône. Citation de Solano, deuxième vie. Quelques-uns avaient cependant de la peine à se résoudre à tendre la main, d'autant que le public les blâmait, que leur famille se plaignait d'une ignominie qui rejaillissait sur elle et que l'évêque d'Assise, qui protégeait la Portioncule, ne cachait pas que la mendicité lui paraissait une exagération. Il l'avait même fait entendre à Saint François, dont la réponse doit être citée, car elle précise la portée sociale que son œuvre avait dès lors dans son esprit. Seigneur, si nous possédions n'importe quoi, il nous faudrait des armes pour nous protéger. Car c'est de là que naissent les procès et les différends. C'est là que l'amour de Dieu et du prochain rencontre mille obstacles. Et, par conséquent, nous ne voulons pas avoir de temporel en ce monde. L'argument plut beaucoup à l'évêque, ajoute la chronique. La mendicité demeura donc la règle, mais on n'acceptait point d'argent. Il n'y avait pas une seule pièce de monnaie à la Portioncule. Le travail était une autre règle de la maison. Jamais une minute d'oisiveté. L'un cuisinait, l'autre jardinait, un troisième allait puiser de l'eau ou ramasser du bois. Ceux qui avaient des talents particuliers travaillaient à ce qu'ils savaient et échangeaient leurs produits contre les objets nécessaires à la communauté. Le public se rendit à l'évidence. Ce n'était point par paresse qu'on mendiait à la Portioncule. Dante a exprimé le sentiment populaire dans les vers du paradis sur Saint François d'Assise. Veuve de son premier époux, la pauvreté, à qui, comme à la mort, nul n'ouvre volontiers sa porte, était restée 1100 ans, et plus, méprisée, oubliée, sans prétendant, quand celui-ci l'a pris pour épouse devant le père, et sa cour spirituelle. Et les mâts davantage de jour en jour. Quelquefois, ils allaient au loin répandre la bonne parole. Ils partaient deux à deux et annonçaient la paix et la rémission des péchés par la pénitence. On les regardait avec étonnement, car ils étaient habillés et vivaient comme personne, et ils avaient presque l'air d'hommes des bois. Les injures et les projectiles pleuvaient sur ces vagabonds suspects. Les gamins se suspendaient à leurs capuchons, les femmes s'enfuyaient. Eux s'obstinaient, avec une patience invincible, à répéter qu'ils apportaient la paix. Ils entraient dans les maisons pour obliger les gens à les écouter. Ils arrêtaient les passants dans les rues ou sur les chemins. Les yeux s'accoutumaient par force à leurs figures étranges, et les oreilles se dressaient à ce mot plus étrange que tout, la paix. Heureux le disciple qui avait le maître pour compagnon. Saint François n'était pas poète pour rien. Il découvrait tout le long de la route des bonheurs dont son associé ne se serait pas douté, et il les lui vantait avec tant de feu, que l'autre se laissait persuader qu'il était en effet ravi de dîner avec des croûtes de pain, pourvu que les arbres fussent beaux et l'herbe fraîche. La gaieté de Saint François doublait encore l'agrément du voyage. Elle était invariable, naturellement, et aussi par parti pris. C'était chez lui une idée arrêtée que le diable perd sa peine avec les gens gais, tandis que l'homme qui jeûne, qui est amer et triste, court grand risque d'être un gibier d'enfer. Sa physionomie parlante et souriante reflétait ses dispositions intérieures et apportait la joie avec elle. Les visages s'éclairaient avant qu'il eût ouvert la bouche, par la seule vertu de l'héritage de grâce et de séduction que François Bernadone avait transmis intact à Saint François. Il avait beau être poudreux, rapiécé, brûlé par le soleil, il était toujours le « si aimable ». Ses harangues achevaient la victoire. Personne ne résistait à la flamme avec laquelle il prodiguait sans compter, pour trois ou quatre manants aussi bien que pour une assemblée de nobles, les trésors de foi et de bonté dont son cœur était plein. Sa parole ardente et naïve rouvrait la source des sentiments tendres dans ces âmes desséchées par la continuité du malheur. Il avait le secret des mots qui rendent meilleurs. Quelques mois se passèrent ainsi, dans une obscurité paisible. La nécessité d'une discipline commune contraignit enfin Saint François au pas décisif qui le mit tout d'un coup en pleine lumière. Il avait écrit une règle, la plus simple du monde, qui se réduisait presque à la défense de rien posséder. Il voulut la soumettre au pape, partit pour Rome avec ses 11 disciples et s'émerveilla d'abord de la facilité avec laquelle les choses s'arrangeaient. Le hasard leur fit rencontrer l'évêque d'Assise, qui les patronna, et ils obtinrent une audience du souverain pontife, auquel Saint François exposa son projet avec sa liberté et sa chaleur accoutumée. Mais le pape était Innocent III. Il répliqua qu'il avait besoin de réfléchir et de consulter ses cardinaux. Innocent III était un trop grand esprit pour ne pas voir du premier coup d'œil l'importance que pouvait prendre en ce temps-là un ordre mendiant. C'était rendre aux fidèles l'Église pauvre, l'Église primitive réclamée d'un ton menaçant par les Arnauds de Brescia, les hérétiques et le menu peuple. C'était peut-être, entre des mains malveillantes, un danger pour l'Église temporelle, engraissée de terre et d'écu. C'était certainement le plus précieux des auxiliaires, si l'ordre naissant venait à l'Église dans un esprit d'obéissance qui permit de se servir de lui et de n'en rien craindre. Rome s'informa. Elle sut que la portioncule lui était soumise du fond du cœur et enveloppait le clergé tout entier dans une égale vénération, sans se permettre les jugements et les distinctions. Le pape mit aussitôt la main sur l'instrument qui s'offrait à lui. Il embrassa publiquement Saint François. Un cardinal se chargea d'organiser ses novices, et ils repartirent pour leur vallée d'Assise tonsurés, moines, mendiant à perpétuité et convaincus que l'avenir était à eux. Le maître l'avait vu en rêve. Leur confiance et leur allégresse se communiquaient aux nouveaux frères attirés par la renommée croissante du fondateur, et le jeune couvent eut un âge d'or avant de connaître les embarras du succès. L'idylle de la Portioncule est l'une des pages les plus exquises de l'histoire de l'humanité. La pauvreté avait tenu les promesses faites en son nom. Elle avait apporté avec elle les délices de la sécurité et de l'insouciance. N'ayant rien, on ne craignait pas de rien perdre. Plus d'inquiétude pour quoi que ce soit. C'était une telle détente, après l'existence tracassée qu'on avait eue dans le monde, que les âmes s'épanouissaient. Elles se baignaient avec ravissement dans cette paix extraordinaire qui les laissait en tête à tête avec leur Dieu, et l'on ne voyait à la Portioncule que des visages heureux, l'on n'y entendait que des paroles joyeuses. On y était aimable et indulgent les uns pour les autres. On n'y connaissait ni l'envie ni la médisance. Au milieu des plus effroyables privations, on remerciait Dieu avec ferveur d'avoir été choisi pour donner l'exemple du bonheur parfait. Il possédait un directeur incomparable. Saint François passait son temps à les guetter et à les deviner. Il savait avant eux qu'ils allaient avoir une hésitation, l'ombre d'un regret, et il les relevait d'un mot, ou bien il avait de ces adorables câlineries qui vous feraient descendre gaiement dans la fosse aux lions. Un jour, il lut dans les yeux d'un de ses moines qu'il avait grande envie de manger du raisin. Il l'emmena dans une vigne, s'assit avec lui sous un cep et lui donna l'exemple. Une autre fois, il entendit au milieu de la nuit un frère se plaindre de mourir de faim. Il se leva, fit lever le couvent et l'invita à un souper où il s'assit le premier. Y avait-il des malades dans la maison? Saint François allait leur mendier de la viande et des friandises. Il admettait moins que jamais qu'on fût triste. Personne, à la Portioncule, n'aurait osé l'être pour cause d'austérité ou de macération. On aurait eu trop grand honte, mais quelques-uns croyaient bien faire de pleurer publiquement leurs péchés. L'un d'eux ayant été aperçu du maître, « Pense à tes fautes dans ta cellule », lui dit celui-ci. « Pleure, gémis devant ton Dieu. Devant les autres, sois gai et n'aie l'air de rien. » Moins que jamais, il souffrait l'oisiveté. Certains moines paresseux et gourmands étaient zéros à la quête, plusieurs à table. Il s'attira cette apostrophe. Tu es comme le frelon, qui ne travaille pas et veut manger le miel des abeilles. Va-t'en, frère mouche. Et frère mouche s'en alla. Car on savait Saint François inflexible sur la question du travail. Il l'était aussi sur la question de la pauvreté. La maison n'était jamais assez dénuée à son gré. Lorsqu'on croyait de bonne foi manquer de tout, il découvrait qu'on pouvait se passer de ceci ou de cela, de ce petit pot, de cette table, et il fallait les supprimer. Le couvent vide enfin, un pauvre survenait, et l'on ne refuse pas un pauvre. On lui donnait son morceau de pain, son manteau, ses culottes, faute de mieux une manche de sa robe. Il venait un autre pauvre, on volait pour lui la chapelle. Dieu, disait Saint François, aime mieux voir un autel nu et l'un de ses enfants vêtus. Va. Mon frère, dépouille l'autel de la Vierge. Le frère répondit un jour, il ne reste plus rien. Nous possédons en tout et pour tout un nouveau testament dans lequel nous lisons à matine, puisque nous n'avons pas de bréviaire. Donne le nouveau testament, Cela fera plus de plaisir à Dieu que nos lectures. On doit des compensations aux hommes de qui l'on exige un renoncement aussi absolu. Saint François ne les ménageait pas, et ses compensations étaient belles. Ses entretiens étaient des leçons de poésie. Il faisait découvrir la nature à ses moines et ouvrait leur esprit à ses merveilles. Il réservait une portion du jardin aux fleurs, pour que leurs yeux reposassent toujours sur de la beauté. Il leur montrait la nuit étoilée, les champs fumeux sous le soleil, les bois qui respirent, les oiseaux sur leurs couvées, la splendeur de la création et l'ivresse de la vie universelle, et il les rassurait, de peur qu'eux aussi, avec tout leur siècle, ne vissent Satan au fond des calices odorants et dans les nids aux amours innocentes. Il leur apprenait à adorer Dieu dans son œuvre, à aimer la nature au lieu de s'en défier, et à respecter sa fécondité divine. Les frères devaient prendre garde, en coupant du bois, de ne point blesser la souche, afin de lui laisser l'espoir de pulluler de nouveau. Un jour que Saint François s'était fait donner des tourterelles qu'un garçon portait au marché, il se mit à dire tendrement, « Mes tourterelles, simples, innocentes et chastes, pourquoi vous laissez-vous prendre ? Maintenant je veux vous sauver de la mort et vous faire des nids, afin que vous fassiez des petits et que vous multipliez, selon les commandements de notre Créateur. » Citation des Fioretti, traduction d'Ozanam. Il leur fit des nids de ses mains et les tourterelles nichèrent autour du couvent. Saint François reprenait la nature au diable et la rendait à Dieu. Ce n'était pas une petite hardiesse vers l'an 1200. C'était une hardiesse non moins grande que d'arracher notre espèce à l'isolement orgueilleux où l'avait confiné le spiritualisme chrétien. Le Moyen-Âge voyait un abîme sans fond entre l'homme et la brute. Saint François nia l'abîme. Toutes les créatures étaient ses frères et ses sœurs. Il va sans dire que l'homme était le chef de la confraternité, mais de quel droit mépriser les membres plus humbles, les frères à plumes, à quatre pattes, à écailles, à ailes de gaz? Si nous ne nous comprenons plus, eux et nous, c'est notre faute. L'homme s'est fermé le monde animal par sa cruauté et son indifférence. Il ne tiendrait qu'à lui de rétablir les rapports confiants institués à l'origine par le Créateur entre nous et les autres créatures. Saint François en avait été frappé certains jours que, passant près d'un champ rempli d'oiseaux, il s'était avisé d'y entrer et de prêcher ses sœurs les corneilles et ses sœurs les colombes. Les oiseaux avaient deviné un ami, et, au lieu de s'envoler, comme ils font d'ordinaire à l'approche de l'homme, ils s'étaient laissés approcher, à être frôlés par sa tunique. Ils avaient eu l'air d'écouter son discours, si bien que Saint François s'était senti coupable envers les animaux, et s'était promis de leur parler dorénavant comme aux hommes. Il prêchait même les serpents, raconte un de ses disciples. Il avait l'esprit trop saint pour se figurer qu'une hirondelle ou un agneau comprenait ses sermons à notre manière, mais pourquoi ne les aurait-il pas entendus à leur manière de bête? Pourquoi n'aurait-il pas été sensible à la caresse de la voix et à la douceur rassurante du geste? Les animaux lui donnaient raison. Saint François ne leur faisait pas peur. Ils venaient se faire prendre par lui. Ils le suivaient. Leur familiarité et leurs petites effronteries récréaient l'heureuse portioncule, qui recommençait le paradis terrestre avant de recommencer la Galilée. La grande source de ce bonheur surhumain était une piété que l'exemple de Saint François soulevait au-dessus des limites ordinaires de nos forces. Sa foi était un tourbillon qui emportait les âmes. Il aimait Dieu d'un amour chevaleresque par lequel les plus vulgaires étaient gagnés, bon gré mal gré, à l'héroïsme. Ses visions et ses rêves prophétiques versaient sur le couvent des torrents de joie mystique. Il semblait aux siens qu'ils quittaient terre avec lui et qu'ils étaient déjà, en la personne du maître, à moitié chemin du ciel. Mark Emdan, archive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.